Chapitre 24e. Assurément, Madame d'Alifard n'était pas disposée à regarder sa belle-fille comme un miroir de perfection. Mais parmi tous les griefs plus ou moins justes qu'elle nourrissait contre elle, il ne s'en trouvait pas de nature à lui faire admettre comme probable ce que Madame de Labranche lui apprenait. Cela n'était pas possible. Tout en elle se réunissait pour l'empêcher de croire à une pareille accusation. Que Juliette fût coquette, qu'elle fût trompeuse, cela elle l'admettait, mais qu'elle eût un amant, c'était impossible. Par sa nature, par son genre de vie, par ses habitudes, par le milieu qu'elle avait fréquenté, Madame d'Alifard n'était pas préparée à croire à la passion et à ses entraînements. Comment Juliette eût-elle pu aimer un autre homme que son mari? N'était-elle pas heureuse? Et ne jouissait-elle pas dans son ménage de tout ce que la fortune et la considération peuvent donner? Pourquoi en eût-elle aimé un autre, alors que ce mari avait pour lui toutes les qualités, la jeunesse, la force, la santé, la beauté? Erol préféré à son fils? C'était tout simplement absurde. Juliette avait des yeux pour voir, et une intelligence pour comprendre. Adolphe était bel homme, Erol était laid. Adolphe était correct dans sa mise, bien peigné, bien rasé. Erol était ébouriffé comme un sauvage. Les manchettes de sa chemise étaient toujours fripées. Mais d'un autre côté, Madame de Labranche avait cité des faits particuliers qui ne permettaient pas de traiter cette accusation à la légère. Si invraisemblables que fussent ces faits, tout est possible en ce monde, et Juliette, depuis qu'elle était devenue sa belle-fille, lui avait montré qu'elle était capable de bien des choses dont autrefois on n'aurait pas osé la soupçonner. Elle avait bien oublié la reconnaissance qu'elle leur devait. Pourquoi maintenant n'oublierait-elle pas la foi jurée à son mari? Toutes les fautes s'enchaînent. Pour être juste envers Madame d'Alifard, on doit dire que sa première pensée, lorsqu'elle en arriva à accepter la possibilité de cette trahison, fut pour son fils. Le malheureux, comme il souffrirait. Déshonoré par celle qu'il avait élevée jusqu'à lui, quelle honte! Trompé par celle qu'il aimait, quel désespoir! Mais après cette première pensée, il lui en vint une seconde et celle-là fut personnelle. Si cette trahison était vraie, et si elle pouvait se prouver, on en est à une séparation. Alors elle était débarrassée de cette femme qui s'était introduite dans sa maison où elle voulait être maîtresse. Alors elle avait son fils tout à elle, et seule, toute seule, elle avait désormais le soin d'élever son petit-fils. Son fils, son petit-fils, sa maison, que de satisfaction dans cette séparation. À peine son esprit s'était-il posé sur cette idée, qu'un changement se fit en elle. Ce qui tout d'abord lui avait paru impossible, devint instantanément possible, plus que possible, probable. Pourquoi pas ? Juliette était capable de tout. Le peintre devait être son amant. S'il n'y avait rien de coupable entre eux, comment expliquer leur intimité subite? Il était certainement son amant. Cela ne faisait plus de doute, et tout prouvait que Madame de Labranche ne s'était pas trompée. Décidément, c'était un service qu'on lui devait. Elle avait montré de l'amitié, du dévouement, en prenant la responsabilité de cette confidence. Il faudrait l'en récompenser. Mais ce n'était pas assez de cette certitude morale, c'était des preuves matérielles qui étaient nécessaires maintenant, car les séparations ne se prononcent pas sur des inductions plus ou moins solides, il faut des faits. On avait dit, on avait vu, on avait cru, tout cela était bien vague. Ce n'est pas avec ces « on » qu'on fait des témoins. Mais, dans ses propos plus ou moins insaisissables, Madame de Labranche avait cité un nom, M. Descloiseaux sans doute serait plus précis. Il fallait voir M. Descloiseaux et l'interroger. Personne mieux que lui ne pouvait répondre à une question de ce genre. Le lendemain, elle partit de meilleure heure pour Paris, et au lieu d'aller directement rue des Vieilles Audriettes, elle se fit d'abord conduire au boulevard Montmartre chez M. Descloiseaux. Entre le passage Jouffroy et la rue Drouot, il habitait depuis 20 ans à l'entresol un petit appartement dont les fenêtres donnaient sur le boulevard. C'était ces fenêtres qui lui avaient fait choisir et garder ce logement. qui avait toutes les laideurs et toutes les incommodités. Un plafond bas, des pièces petites, des portes mal jointes. Mais ces fenêtres avaient pour lui des avantages qui le faisaient passer par-dessus tous les inconvénients dont il souffrait. Là, en effet, tous les jours, entre 5 et 7 heures en été, entre 4 et 5 heures en hiver, on le voyait assis, derrière les vitres quand il faisait un temps abominable. La fenêtre ouverte quand il faisait à peu près beau, en grande tenue, la moustache teinte, les cheveux frisés, la redingote serrée à la taille, il passait la revue des femmes qui descendent chaque jour du quartier des Martyrs par la rue du Faubourg Montmartre et manœuvrent sur le boulevard à la recherche d'un dîner. Il les connaissait toutes par leur nom, il savait leur adresse et pouvait raconter quelques bribes de leur histoire. Lorsqu'elles passaient devant ses fenêtres, elles lui lançaient un regard oblique. S'ils étaient seuls, ils restaient impassibles. Mais s'ils étaient pendus au bras d'un provincial ou d'un étranger d'apparence cossue, il leur adressait un sourire d'approbation. Si cet étranger avait des pierreries aux doigts, il allait même quelquefois jusqu'à faire un geste d'applaudissement que la femme seule pouvait comprendre. « Plume-le bien, ma belle, bravo, ne le lâche pas !» Et quand, plus tard, il la rencontrait à Mabille, au Casino Cadet ou aux Folies Bergères, il s'inquiétait de cet étranger. En avait-on été contente? Et on lui racontait, si l'on s'en souvenait, l'histoire de cet étranger, car on n'avait pas de secret pour lui. Dans ce monde où l'on n'avait cependant jamais vu la couleur de son argent, il était estimé et aimé. Un mot d'approbation de sa bouche était reçu avec plaisir, et on lui demandait conseil, la seule chose qu'il donna d'ailleurs. Madame d'Alifard, qui depuis 20 ans le recevait chez elle, n'était jamais venue chez lui. Elle fut obligée de demander des explications au concierge. À son coup de sonnette, la porte lui fut ouverte par un petit groom de 13 ou 14 ans qui, tout d'abord, ne voulut pas la laisser entrer. Une vieille femme, il n'en était jamais venu chez son maître. Ce groom complétait M. Descloiseau, qui n'avait jamais eu à son service que des enfants de 11 à 15 ans. Quand ils arrivaient à leur 15e année, si dévoués, si intelligents qu'ils fussent, il les renvoyait. Ils coûtaient trop cher, et ils prenaient trop d'autorité. Ils voulaient le bon marché et la liberté. D'ailleurs, comme il ne mangeait jamais chez lui, et cela autant par économie que par horreur de la solitude, il n'avait pas besoin d'un domestique capable. Un enfant docile et de petit appétit lui suffisait. Madame d'Alifard insista, mais l'enfant tint bon. On ne pouvait pas voir M. Descloiseau qui était occupé. Il aurait pu ajouter « Mon maître sèche en ce moment ». Mais comme il était discret, il s'enferma dans sa consigne. Il fallut que Madame d'Alifard donnât son nom pour qu'il la fît entrer dans le salon. Elle attendit une grande demi-heure. Enfin, M. Descloiseau parut. Il était désolé, désespéré. Il avait été bien, malgré lui, retenu. « Mais aussi, dit-il, comment me serais-je attendu à votre visite ? Il ne se passe rien de fâcheux, rien de grave, n'est-ce pas ? Au contraire, il se passe une chose très grave pour laquelle j'ai besoin de vous. Enfin, je vais donc pouvoir vous montrer combien je vous suis dévoué. Parlez, chère madame. » Et il s'assit vis-à-vis de Madame d'Alifard, après lui avoir serré les deux mains chaleureusement. Il était discret, il ne faisait pas de protestations inutiles, mais si elle avait besoin d'un cœur dévoué, elle pouvait compter sur le sien. Cela tenait dans cette étreinte sympathique. Alors Madame d'Alifard raconta la visite de Madame de Labranche et en quelques mots elle lui rapporta leur entretien. « Comment ? » s'écria-t-il. « Madame de Labranche a commis l'indiscrétion de me mêler à cette affaire fâcheuse. » « Il me semble que Madame de Labranche agit en ami sincère. »« Je n'accuse pas Madame de Labranche, et je suis bien certain qu'elle n'a obéi qu'aux inspirations de sa conscience. Ce qui me désole, c'est qu'elle ait prononcé mon nom. »« Et pourquoi cela ? Lui avez-vous parlé de ma belle-fille ou ne lui en avez-vous pas parlé ?»« Assurément, je lui en ai parlé. Je suis trop ami de la sincérité pour dire le contraire. Mais dans mes paroles, il n'y avait pas ce que Madame de Labranche a cru y voir. La présence de M. Hérol chez moi vous paraît innocente, dit Madame d'Alifard. Le ton avec lequel ces paroles furent prononcées frappa M. Descloiseau. Il semblait qu'il y avait plus de déception chez Madame d'Alifard que de satisfaction. Il la regarda avec surprise, mais il ne sut rien lire sur son visage. « Je n'ai jamais dit, répondit-il, que les assiduités de M. Errol me paraissaient innocentes. Elles me paraissent au contraire très dangereuses. Et c'est ce que j'ai expliqué à Madame de la Branche, un jour que le hasard de la conversation nous a fait aborder ce sujet. J'ai dit que je trouvais imprudent d'exposer une jeune femme belle et charmante comme Madame Juliette aux séductions d'un homme tel que M. Errol. J'avoue même que j'ai ajouté que j'étais surpris qu'avec votre sagesse, votre intelligence, votre connaissance du cœur humain, vous tolériez cette intimité, innocente en ce moment, je le crois, mais qui un jour ou l'autre pourrait devenir coupable. Ainsi, cette intimité est pour vous innocente. Oh, cela ne fait pas de doute. Au moins, je n'ai rien vu qui me fasse croire le contraire. D'ailleurs, ce que je sais de votre belle-fille ne me permet pas d'admettre le soupçon. Mais si je reconnais l'innocence de cette intimité pour le moment, je la crois dangereuse pour l'avenir. Ce qui fait la faute, c'est presque toujours l'occasion. Pourquoi offrir à votre belle-fille l'occasion de tomber dans cette faute? C'est là ce que j'ai expliqué à Madame de la Branche en véritable amie de votre famille, par amitié pour vous et pour ce cher Adolphe. Et même nous avons alors agité la question de savoir si je ne devais pas vous faire part de mes craintes. Elle m'a devancé. J'en suis bien aise, car ce rôle d'avertisseur est délicat à remplir. Je regrette seulement qu'elle ait forcé la note à mon endroit. Je prévois, je ne vois pas. Voilà la nuance, elle est importante. Madame d'Alifard resta un moment silencieuse. Ce n'était point là ce qu'elle était venue chercher, mais la pensée de son fils lui fit oublier cette déception. « Si vous m'aviez donné l'avertissement que vous avez différé, dit-elle enfin, vous auriez conclu à quelque chose. Quelle aurait été votre conclusion ?»« D'éloigner, monsieur Errol. »« Mais comment, par quel moyen ? La chose est difficile puisque je ne peux pas en parler à mon fils. » « Évidemment, dit M. Descloiseau. » Et ils se mirent à agiter cette question, mais sans arriver à une conclusion satisfaisante, car tous les moyens mis en avant avaient leur danger. Enfin, M. Descloiseau demanda quelques heures de réflexion et il promit d'aller le soir même à Nogent avec une réponse longuement méditée. Grande fut la surprise de Juliette quand elle le vit arriver avant le dîner. Elle voulut l'éviter, mais il parvint à la joindre. « Votre belle-mère est venue tantôt pour m'interroger, dit-il, car elle a des soupçons. » À ce mot, Juliette, qui cherchait à s'échapper, s'arrêta. « Je n'ai rien dit, continua-t-il, et ne dirai jamais rien. Oubliez mon emportement désespéré d'hier. C'est votre estime que je veux, et votre amitié. Plaignez-moi. »